O Velho Mundo e o Instituto Assis de Chateaubriand-Cobernet trazem até você... Peterson foca na França! A viagem! Paris, a cidade da luz... François! Aê, François! S'il vous plaît, meu! Je suis foca, camarade do Zé e do Scarra! Perdi a Paris! Rolei os petits fous à la plage avec Jacquard! Garçon, abajur! Matelassé, limousine, Astérix... N'est pas de si, de beaucoup, je si, n'est pas de meu. Se ligou, meu? Non, la boîte connue de tout le monde et qui contient le camembert remplacé l'emballage port. Arrivé à vers 1884, la boîte a contribué à protéger le fromage et à favoriser l'exploitation. Chiii, tudo bem, vai. Tout parler melhor. Vamos na cafeterie que je pago um soufflette. Vamos lá. Cabine telefônica. Alô? C'est Philippe Ledoux? Oui, c'est moi. Ah, então vamos nessa. Bonjour, Philippe. C'est Foca. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Merci, Edouard. Très bien. Merci. Tu es prêt? Non, je ne suis prêt. La race bovine, comme tout le monde, et le pâturage des carretelles détermine la qualité des fromages français. La race de vitel plus populaire sont les normands salés au braque, absolument adaptés à pâturage des montagnes. Ah, égalité, liberté et consommé, Ledoux. Oui, c'est pâte, n'est pas gramour, croquette, soutien. Épilogue. François, s'il vous plaît, meu. Où est-ce les bateaux mouches? Bâton, filet, bidet? Ah, là, je vais arrêter des modèles de moules dont les perforations qui permanentement gagent le bidet dans le même bout de l'anil. Ils sont magnifiques, merci beaucoup. Va-y, aussi, Pierre Cardin. Tu n'es pas de ça. Tu n'es pas de ça, mais qui c'est, man? Tu es brésilien, comment tu t'appelles? Où est Sophie? Très bien, et toi? Vers Saint-Germain-de-la-Patrie, monsieur et madame de Rançon-Allée, Paris.